je me fais du cinéma, sans pognon et sans caméra. Parle beaucoup, en vacances, ma vedette c'est toujours toi. L'écran noir de mes nuits blanches, moi je me fais du cinéma, sans pognon et sans caméra. Bardo peut partir en vacances, ma vedette c'est toujours toi. C'est pourquoi je prends ma revanche sur l'écran noir de mes nuits blanches où je me fais du cinéma. Sur l'écran noir de mes nuits blanches où je me fais du cinéma. Où je me fais du cinéma, une fois, deux fois, vingt fois, je recommence la séquence. Où t'es le cinéma, sur l'écran noir de mes nuits blanches. Moi je me fais du cinéma, la séquence sans pognon et sans caméra. Tombe dans les bras.